Bonjour Maëlys et je vous dis à demain pour un nouvel épisode d'Entendez-vous l'écho. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous retrouver pour cette émission enregistrée en public au Salon Livre Paris, salon dont le pays invité est cette année la Russie. Nous parlons donc cette semaine de l'un des plus grands écrivains russes, Léon Tolstoï, dans une émission qui ne pourrait avoir lieu sans Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Laurent Travagli-Chanel, Emmanuel Morse-Duncan, Rémi Gouriou et Tanguy Le Corneau. Gorki, le surnommé l'homme humanité, il est vrai que tous ses grands romans sont sous-tendus par des questions existentielles, la passion, l'injustice, la vanité ou la mort. Écrivain et homme tourmenté, il a cherché dans la spiritualité et le don à apaiser ses souffrances morales, en même temps qu'il fut un homme pétri de défauts et de contradictions, comme nous le verrons ici jusqu'à jeudi. Jeudi justement, Pierre Bayard viendra nous parler des personnalités multiples qui cohabitent en nous à travers des exemples pris dans la littérature de Tolstoï. La veille, mercredi, nous serons avec Laure Troubetskoy et Laetitia Leguet pour parler de Guerre et Paix, d'Anna Karenine et de la musique chez Tolstoï. Enfin demain avec Luba Jurgensen puis Françoise Lesourd, il sera d'abord question du rapport de l'écrivain avec la religion, puis de son inscription dans l'univers intellectuel de l'époque. Et aujourd'hui ? Спасибо, ребята. Выходите ко мне. Я рад, когда вы хорошо учитесь. Только, пожалуйста, не шевелите. А то есть такие, что не слушают, а только сами шевелят. А то, что я вам говорю, нужно превозбудить. Вы помните, когда уж меня не будет, что старик говорил нам добро. Прощайте, будет. Aujourd'hui, pour retracer la vie de ce chercheur de vérité qu'était Léon Tolstoï, et alors que l'on vient d'entendre sa voix lisant une lettre, nous sommes dans votre compagnie, Vladimir Fedorovski. Bonjour. Bonjour. Vous avez été diplomate, porte-parole de la Perestroïka, dont vous avez même écrit le roman aux éditions du Rocher en 2013, tout comme vous aviez écrit le roman du Kremlin, le roman des Tsars, le roman de Saint-Pétersbourg, ainsi que le dictionnaire amoureux de Saint-Pétersbourg, ça c'était chez Plon en 2016. Le dernier, pour être précis, c'est Au cœur du Kremlin, tout ce que je n'ai jamais dit. C'est la semaine dernière. Voilà. Alors, explosif. Explosif. C'est la réalité qui dépasse la fiction, l'actualité. Mais vous prenez des risques pour parler de Tolstoï. Ah, pourquoi ? Parce que ce n'est pas politiquement correct. Ah, mais même ici, au salon où la Russie est à l'honneur ? Bah, attendez, Tolstoï, quand même, c'est le symbole de la Russie, et aujourd'hui, la Russie est presque en diable. Mais vous savez, on n'a pas peur de prendre des risques. Il était toujours entre diable et Dieu, c'est vrai. Exactement. Et c'est le côté Dieu qu'on va essayer de mettre le plus en avant, j'imagine, aujourd'hui. Alors, votre livre, le roman de Tolstoï, c'est pour celui-ci que nous vous invitons. Il date de 2010. C'était également aux éditions du Rocher, dans votre propre collection d'ailleurs, oui, Vladimir oui. Fedorovski. 300 livres j'ai fait dans la collection, mais c'est un des livres les plus chers, parce que quand je suis... Les plus chers à votre cœur ou les plus chers cher, au porte-monnaie ? Cher dans mon cœur, parce que vous comprenez, dans les moments les plus difficiles que j'ai vécu en Russie, et nous vivons aujourd'hui un moment très dangereux. Dans la réalité, il s'agit de danger de la rupture historique entre la Russie et l'Occident. Et réorientation définitive de la Russie vers l'Asie. Et Tolstoï nous alerte, parce que Tolstoï, grâce à vos émissions, ça fait partie de nous et ça fait partie aussi de vous. Moi, Tolstoï, c'est l'ancienne Russie tout de même. C'est quand même non, Tolstoï, c'est la Russie, c'est la Russie éternelle. Ah, la Russie éternelle. Détrompez-vous. Vous ne pensez pas que je voudrais pas bousculer les idées reçues, mais vous savez, le meilleur agent de Poutine, c'est Tolstoï. Ah. Parce qu'on ne peut pas rompre avec la Russie de Tolstoï. Je ne voudrais pas quand même bousculer les idées reçues, mais Tolstoï, c'est tellement énorme. Et c'est vrai, quand j'écrivais ce livre, j'ai eu un plaisir, un des grands plaisirs de la littérature que j'ai eu. Donc La vie de Tolstoï, c'est un roman, si on en croit le ça titre dépasse, de votre ça livre. Ça dépasse la fiction, c'est l'amour absolu, c'est le tempérament volcanique, Caucase, les femmes, les passions. Ça, c'est inimaginable. Et en même temps, ces paysages de la Russie éternelle, je suis vraiment amoureux de Tolstoï, je suis très touché, à tel point que je fais dans une année une comédie musicale dans le monde entier pour prouver que Tolstoï, c'est le meilleur représentant de la Russie éternelle, avec un très grand compositeur français qui a écrit plusieurs comédies musicales. Mais le sujet, c'est hélas, ça n'entre pas vraiment dans notre... Bah, on va parler de Tolstoï et la musique, mais c'est dans une autre émission. Parce que c'est Anna Karenine. Alors, Anna Karenine, Garépé, ce sont précisément des romans de vie. Et on le sent d'ailleurs dans la façon dont vous en parlez. Tolstoï, c'est une sorte de guide, de maître de vie. Absolument. Mais attendez, Tolstoï, c'est... vous voulez comprendre la Tolstoï? Vous voulez avoir la biographie de Tolstoï? On va parler de la biographie de Tolstoï. Mais biographie de Tolstoï, c'est Garépé. Anna Karenine, c'est évidemment lui-même, comme l'autre disait que Madame Bovary, c'est lui-même. Tout ça, c'est absolument évident. Et quand vous avez le reflet tout à fait pointu, vous comprenez? Prenez Natacha Rostov. J'adorais ça. Mais c'est un mélange des personnages tout à fait réels, y compris Sophie, bien entendu. Sa femme, pour être franc, elle n'était pas seule Sophie, mais quand même, Sophie est largement dedans. Et quand vous prenez les personnages, vous voyez absolument, cas par cas, vous voyez le père de Tolstoï, vous voyez sa tante, sa mère, Marie, tout ça, c'est... dans les descriptions des paysages que j'aime tant. Évidemment, c'est Yasnaya Polyana. Oui. Et si vous voulez oublier la tristesse de notre époque, allez à Yasnaya Polyana dans le fief de Tolstoï. À 200 km au sud de Moscou, c'est un peu loin. Et regardez Toula, même, dans la région de Toula. Extraordinaire. Vous savez, dans les moments de désarroi, c'est presque, malheureusement, j'aime aussi Saint-Pétersbourg, mais cela dit, les rues de Moscou, vous savez, l'endroit que Tolstoï a habité, on retrouve ces descriptions, bien sûr, dans ses œuvres, notamment à Anna Karenine. Mais là, Vladimir Fedorovski, on n'est pas dans un moment de désarroi, donc on n'a pas besoin d'aller à Yasnaya Polyana. Si, mon cher, t'es trompé. On va rester maintenant, ici, Porte de Versailles, à Livre-Paris, pour parler de la biographie. Dans l'histoire, je pèse mes mots, de l'humanité. Et Tolstoï peut nous guider ça, parce que vous comprenez, Tolstoï, c'est quelqu'un qui détestait une chose qui triomphe aujourd'hui. Je vais vous dire sérieusement. Vous comprenez, là, on me demande souvent, est-ce que c'est comme la guerre froide? Je dis non, c'est beaucoup plus grave que la guerre froide parce qu'on vit dans le mensonge. De deux côtés, c'est l'Occident et les Russes, il faut le dire. Et Tolstoï, c'est antithèse de mensonge. Vous comprenez, c'est quelqu'un de fidèle. Et vous, quand vous avez structuré vos émissions, ça ressent la recherche de la vérité et la recherche de la passion absolue qui ressort de ce caractère, volcanique, tempérament volcanique. J'espère bien qu'on va parler de tempérament de Tolstoï. Mais on entend, je crois, à travers vous, le côté volcanique de Tolstoï. Il y a eu 4 périodes. Il faut quand même expliquer un petit peu un certain nombre de choses dans la vie de Tolstoï. C'est lui-même qui résumait sa vie par 4 épisodes. On va les détailler tout au long de cette émission, mais on peut déjà donner un petit peu quelques repères. La première période, c'est une période absolument merveilleuse. Alors, c'est les fantastiques paysages de Yasnaya Polyana. C'est la période de l'enfance, 1828-1842, jusqu'à à peu près ses 14 ans. Ensuite, il y a une deuxième période. Là, c'est la période horrible, qui est la période de dépravation. Je suis sûr que vous aurez des choses à dire sur cette période de dépravation, Vladimir Fedorovski. Ensuite, il y a une troisième période qui est celle de son mariage, et c'est là où il va écrire un certain nombre de très, très grands romans. Et puis la quatrième période, c'est la période plus spirituelle, la période où le prophète prend la place de l'artiste. Mais on va évidemment commencer par la première. Et pour cela, je vous propose d'entendre un extrait de son livre autobiographique qui s'appelle « Enfance ». Il l'a écrit quand il avait 23 ans, donc juste à la sortie précisément de son enfance. « Je suis attaché. Je voudrais me libérer les bras et je ne le puis. Je crie et je pleure. Mes cris me sont odieux, mais je ne puis m'arrêter. Des personnes se sont penchées au-dessus de moi, je ne sais qui. Tout ceci se passe dans une demi-obscurité, mais je sais qu'elles sont deux et que mes cris les impressionnent. Elles sont alarmées par mes cris, mais ne me libèrent pas comme je le voudrais, ce qui fait que je crie encore plus fort. Elles croient que cela est nécessaire que je sois attaché, tandis que moi, je sais que ce n'est pas nécessaire. Et je veux le leur démontrer, je crie de toutes mes forces, et mes cris me sont odieux à moi-même, mais irrépressibles. Je ressens toute l'injustice et la cruauté, non pas des gens, car ils ont pitié de moi, mais du destin et de la pitié pour moi-même. Je ne sais pas et je ne saurais jamais ce que c'était. Était-ce qu'on m'emmaillotait quand j'étais nourrisson, et moi je voulais dégager mes bras? Était-ce qu'on m'emmaillotait quand j'avais plus d'un an afin de m'empêcher de me gratter? Ou bien ai-je réuni dans ce souvenir unique, comme cela se produit dans le rêve, de multiples impressions? En définitive, une chose est certaine, c'est que ce fut ma première impression de la vie la plus puissante. Je voulais ma liberté. Ma liberté ne lésait personne et on me suppliciait. Ils avaient pitié de moi et ils m'attachaient. Et moi qui avais besoin de tout, j'étais faible, tandis qu'eux étaient forts. Compagnie des auteurs sur France Culture. Nous sommes avec Vladimir Fedorovski. Nous parlons de Tolstoï et de ce plus lointain souvenir de Tolstoï qui est donc cette impression d'être entravé. Vladimir Fedorovski, est-ce que c'est un sentiment qu'il va garder en grandissant, qu'il va garder toute sa vie? Je pense que franchement, il y a en Tolstoï, c'est un chaman. Il savait se transformer. Il se diluait dans ces paysages de la Russie éternelle, dans l'âme de ce pays d'une manière absolument extraordinaire. Et vous avez eu raison d'évoquer ses chefs-d'œuvre aussi à sa façon, ses livres, au fait, sur son destin, parce qu'à travers cela, nous voyons l'âme de ce pays. Vous avez dit. La période heureuse, bien sûr, la période heureuse, parce que les paysages, parce qu'il y avait les proches à côté, parce que c'est la Russie éternelle qui était avec lui, mais la recherche de soi-même était déjà marquée son enfance. D'autant plus que Tolstoï a à souffrir pendant son enfance d'un premier drame qui est la mort de sa mère alors qu'il n'a que 2 ans, au moment où sa mère donne naissance à l'une de ses sœurs. Il avait 2 autres frères et il n'aura jamais la possibilité, ne serait-ce que de voir une image de sa mère, puisqu'il n'y avait pas d'image de cette femme. Bien sûr, il n'a pas image de cette femme, mais il l'a reconstituée en guerre épée, en quelque sorte. L'image, vous comprenez, reconstituée dans son subconscient. Nous voyons ça dans Guerre épée, mais il était reconforté parce que sa tante s'occupait de lui d'une manière extraordinaire. Il y avait une tendresse féminine. Vous avez peut-être remarqué que les grands amoureux, devant l'Éternel, ils devaient être choyés dans leur enfance par quelqu'un qui est très proche. Et Tolstoï, il était choyé par cette femme et comme ça, il est devenu ce personnage à la recherche de l'amour absolu qui nous marque tous. Mais c'est quand même une enfance hantée par la mort, puisque cette tante dont vous parlez, elle aussi va mourir, sans parler du père de Tolstoï, qui lui aussi meurt alors dans des circonstances un petit peu étranges, comme ça, en pleine rue. Et là encore, il est encore enfant, il a 9 ans à cette époque-là. Bien sûr, mais... qu'est-ce que c'est la vie? La vie, c'est un passage entre l'enfance et la mort. Et Tolstoï, il était marqué par ces disparitions. Il y avait les drames profonds qui ont marqué son enfance. Mais quand vous avez utilisé le mot heureux, c'est pas tout le monde qui utilise le mot heureux. Mm-hmm. Moi, je trouve que son enfance était quand même extraordinairement heureux grâce à ses paysages, grâce au fait qu'il était dilué dans ces paysages, dans la nature russe qu'il a si bien décrite plus tard. Alors, vous dites aussi, Vladimir Fedorovski, dans votre biographie, que Tolstoï était un enfant quelque peu orgueilleux, chez qui cohabitaient déjà des sentiments ambivalents, comme par exemple un attachement à l'individualisme très fort, très puissant, et dans un même mouvement, une espèce de vision universaliste, une vision pour le monde entier. Vous savez, Tolstoï était un mégalo par excellence. Dès l'enfance, c'est absolument incontestable. Vous savez, il vivait, ses rivaux, c'était Jésus-Christ. Vers la fin, il rivalisait avec Jésus-Christ. Oui. Et en quelque sorte, il a inventé sa propre religion. C'est vrai que l'ambition de Tolstoï était sans borne. C'est pas un bon étudiant, cela va sans dire, mais le désir d'être le meilleur, le désir de la perfection, le désir de la perfection dans l'amour, tout ça c'est Tolstoï. Et si on ne comprend pas ce désir de perfection, on ne comprend pas cette nature ambivalente, vous avez dit. Et c'est vrai, c'est une nature déchirée. Déchiré comme la nature humaine tout court. Vous comprenez? Donc la perfection, peut-être le perfectionnisme, c'est ça l'origine de la plaie très profonde de Tolstoï, parce que c'est un idéal qui est impossible à atteindre et qu'on se torture pour tenter de l'atteindre. Bien sûr, quand on rivalise avec Jésus-Christ, c'est difficile d'atteindre, etc. Mais il n'était pas loin. Mais pour les Russes, il est même au-dessus de Jésus-Christ. Il n'était pas loin. Non, les Russes, ce sont des grands chrétiens. Non, les Russes d'aujourd'hui, d'ailleurs, ils reprochent beaucoup à Tolstoï ce côté illuminé qui est propre à la civilisation russe, parce que Tolstoï, il porte par inadvertance une grande responsabilité dans la tragédie absolue de la Russie qui était la révolution russe. Il n'y avait pas de Tolstoï, il n'y a pas de révolution russe. Parce que c'est comme aujourd'hui, vous savez, les rédactions chez vous, c'est contaminé par le politiquement correct. Oui. Les rédactions à la veille de la Révolution, ils sont contaminés par Tolstoï. Tolstoï. C'est pas le politiquement correct, Tolstoï, quand même. Tolstoï, pas du tout. Mais tout le monde. Pourquoi la Russie était prête à accepter les bolcheviks? Il faut comprendre ça. Donc vous pensez que les romans de Tolstoï c'est pas moi, ont préparé le peuple russe à la Révolution? C'est un très grand écrivain. Victime de Goulag, martyr de Goulag, Chalamov. C'est l'idée vient de Chalamov. Et je me souviens, j'étais enfant, et après j'ai réfléchi, je suis formel, évidemment. Évidemment, Tolstoï, c'est un grand réponse. Vous avez parlé de déchirement, ambivalence de Tolstoï. Évidemment, ambivalence est là-dedans. Très intéressant, Tolstoï social, Tolstoï négation de la propriété privée. Tout ça, on ne peut pas séparer ce personnage. Et en même temps, le grand amoureux devant l'éternel, j'espère bien qu'on va parler, parce que j'adore raconter Tolstoï érotique. C'est un des plus grands écrivains érotiques. Je pense qu'on va parler de sa femme. Ce sera peut-être à cette occasion-là qu'on pourra évoquer ça. Bien avant, parce que les chefs-d'œuvre de la littérature érotique, simplement, c'est éparpillé dans les œuvres de Tolstoï. Mais lisez son journal. Oui. Si vous réunissez son journal, parce que Tolstoï, vous dites la recherche absolue, mais la franchise absolue. Mais il y a peut-être un peu de perversité, justement, chez Tolstoï, de ce point de vue-là. Je ne peux pas accepter ça. Parce que il va faire lire son journal à sa femme avant de se marier en lui disant « Regarde, Sophie, tout ce que j'ai fait avec les autres femmes, je te le montre, tu vas pouvoir le lire ». C'est quand même un peu de perversité, Bien sûr, vous croyez pas ? Bien sûr. Le mot perversité, il était tordu quand même. Vous savez, il prend une gamine, il est éperdument amoureux, et il montre son journal, mais il faut comprendre ce qu'il dit dans son journal. Lisez-le, il entre dans le détail. Ah oui, c'est là. C'est la grande littérature, vraiment, la grande littérature érotique. Et gamine, elle lit ça, elle s'effondre. Mais elle reste. Elle, bien sûr. Elle reste et elle va avoir. Non, attendez, c'est ça. Du sexe franchement, avec l'histoire, lui, l'histoire, la fille ne sait pas quoi faire. Et finalement, c'est sa mère qui était une copine d'enfance, d'ailleurs, de Tolstoï, que Tolstoï a dragué la mère de Sophie. Et quand elle a vu la mère de Sophie, elle connaissait Tolstoï par cœur. Il connaissait son caractère ambivalent, vous dites, dans la réalité tordue. C'était un caractère humainement indéfinissable, déchirant dans la réalité. Et elle a dit, alors, ça suffit. Maintenant, on se marie et basta. Et là, il s'est dégonflé et ils sont allés à l'hôtel. Mais quand même, il y avait ce moment, le retard de Tolstoï. Vous savez, la gamine est prête à entrer à l'église et il n'est pas là. Comment faire ça? 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, il n'est pas là. Vous savez, il a oublié une chemise. Et son laquais, il est allé acheter une chemise. Il y avait un retard terrible. Vraiment, Sophie, il s'effondrait, ce qui l'a reconforté. Parce que Tolstoï et elle, c'est l'amour fusionnel, volcanique, encore une fois. La nuit d'amour, c'était décrit dans son journal. C'est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et quand, après cette nuit d'amour, il y avait cette fusion physique entre les deux tempéraments et une grande histoire d'amour, encore une fois, si décrite. Parce que comment il drague, comment il fait la proposition, tout ça, c'est texto. Oui, notamment c'est presque un guide, Anna Karenine. Anna Karenine, grande littérature érotique, mais grand des clés pour comprendre ce personnage hors commun, symbole de la Russie éternelle et notre réconfort dans ce moment de désarroi que notre monde vit aujourd'hui. Alors, vous parlez évidemment des ambiguïtés, des contradictions de Tolstoï. Et par exemple, alors vous l'appelez le centaure, on vient bien de comprendre pourquoi, Vladimir Fedorovski. Merci d'avoir lu. Vous l'appelez le centaure, et en même temps, vers la fin de sa vie, et même pas tout à fait à la fin de sa vie, il va prôner la chasteté, il va prôner l'abstinence dans la chrétienté. Alors ça, c'est une contradiction C'est une contradiction de façade. Je vais vous dire, jusqu'à la fin de sa vie, vous savez, il est mort quand même très âgé. Sa femme était exténuée. À l'époque, il n'y avait pas de contraception. Oui, elle ne pouvait d'enfants. Pas. Elle a commencé. Elle disait qu'elle a essayé la chose. Pas du tout, évidemment. C'était une fusion. Mais c'est vrai que les enfants sur les enfants. Et en plus, je reconstitue ça. Tout est raconté. Il y avait plein d'à côté. Il y avait les paysannes. Il y avait tout ça. Tolstoï, c'est. Il ne faut pas qu'on s'en ment. D'autant plus que le temps presse. Et hélas, lisez. Relisez, si vous pouvez, le journal de Tolstoï, c'est la grande littérature érotique, sinon je fais ça en ramassis dans le roman de Tolstoï. Voilà, je précise qu'il n'y a pas que ça dans le journal de Tolstoï, pour les gens qui seraient intéressés par d'autres types de notations. Avant de poursuivre l'évocation de la vie de Tolstoï, je voudrais vous faire entendre, Vladimir Fedorovski, l'extrait d'un entretien avec Henri Troya, qui résume assez bien le dilemme de Tolstoï. Pour moi, il n'y a pas un Tolstoï, il y en a 36 cousus dans la même peau et affublés de la même barbe. Parce que toujours il y a une part de Tolstoï qui est en contradiction, en révolte contre une autre part de Tolstoï. Il voudrait être un ascète et un sang superbe, généreux, lui interdit jusqu'à un âge très avancé les délices spirituel de l'abstinence. Il voudrait être pauvre et même lorsqu'il renonce à une partie de ses droits d'auteur, il peut, grâce à sa famille, vivre très largement. Il voudrait que son domaine héréditaire de Yasna Polyana soit un désert et plus il prêche la nécessité de la solitude, plus il augmente autour de lui le nombre de ses admirateurs. Il voudrait être excommunié par l'Église parce qu'il condamne l'Église. Et lorsque l'Église jette sur lui son anathème, sa renommée s'étend au monde entier. Au fond, si le châtiment de certains criminels est de n'être jamais châtié, son châtiment à lui, c'est de ne pouvoir s'évader d'un bonheur matériel qu'il réprouve. Et au fond, c'est l'homme malheureux d'être heureux. Et pour moi, Tolstoï est grand, non par sa doctrine, mais par les souffrances qu'il a endurées pour la mettre en pratique. Non par ses élans vers l'au-delà, mais par sa connaissance prodigieuse de la terre et des hommes. Compagnie des auteurs sur France Culture et Henri Troyat qui soulignait au micro de Jacques Chancel que Tolstoï, et c'est une bonne expression je crois, était au fond malheureux d'être heureux. À quel moment finalement ça commence pour lui, cette idée qu'il est malheureux d'avoir trop d'argent, de vivre dans le confort? Parce que quand même, dans la première ou la seconde partie de sa vie, plus précisément, la partie de la grande luxure, la partie du jeu aussi, parce que c'est là où il va perdre beaucoup d'argent au jeu, est-ce qu'il a déjà en lui cette espèce de refus du confort et ce côté justement malheureux d'être trop heureux? Vous savez, c'est une évolution dans les réalités pour Tolstoï, mais hélas, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ça vient avec l'âge, vous comprenez? Avec la crise de sa cinquantaine ou encore cinquantaine, déjà avant? Un tout petit peu en amont. Tolstoï, c'était un dieu, il rivalisait avec Dieu. Quand il a fait tout sur Terre, il voulait aller au-delà. Vous comprenez? C'est-à-dire faire une école pour les paysans sur Terre, parce que il est ébloui, il était très heureux avec sa femme. Il a écrit les chefs-d'œuvre absolus, il a accompli presque tout. Alors il est allé plus loin pour rivaliser. Tolstoï, c'est très russe dans la réalité. Il n'aimait pas Dostoïevski. Dostoïevski, il aimait être heureux dans le malheur. Oui. Tolstoï, quand même, c'est une contradiction. Il était heureux, mais il refusait son bonheur et il voulait aller au-delà. C'est un reflet de ce pays, c'est vrai. Alors, on n'a pas dit quand même que Tolstoï est allé à l'université et qu'il est aussi, qu'il a été aussi sur le front dans le Caucase, car son frère, qui était lui-même dans l'armée, à un moment donné, voyant qu'il était un peu trop dispersé, je crois qu'à ce moment-là, il avait perdu le bâtiment principal de la maison de ses parents au jeu. Les tziganes, les femmes, le champagne, il a failli vraiment se perdre dans ça. Il s'est brûlé quand même. Il vient au Caucase et c'est une découverte d'une autre nature. Voilà. Au Caucase, donc son frère cherche à la récupérer d'une certaine façon. Au Caucase, il y a une autre, vous savez, c'est le désir d'une femme sauvage. Il était avec les tziganes et les aristocrates. Là, il découvre une autre facette d'érotisme qu'il décrit parfaitement. Dans les Cosaques. Dans les Cosaques, exactement. Un chef-d'œuvre de la littérature d'amour, d'une part, mais d'autre part, un chef-d'œuvre, je faillis dire, de la littérature géopolitique, parce que si vous voulez comprendre la géopolitique de la Russie de maintenant, relisez Cosaque dans le contexte de la guerre en Tchétchénie, c'est très édifiant. Et en deux mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, pour ceux qui n'auraient pas... Mais attendez, vous savez que Tolstoï, il était assez lucide face à l'Empire. Et la manière avec l'Empire a été construit, avec les répressions, etc., c'est Tolstoï, il l'a décrit parfaitement, non seulement dans les Cosaques, mais aussi il y a un livre, Hadji Murat, qui est un livre aussi extraordinaire sur ce plan-là. Et puis Tolstoï, pour nous aujourd'hui, c'est Tolstoï qui décrit l'horreur de la guerre à Sébastopol. Finalement, sa gloire, ça vient des récits de Sébastopol, oui, quand même. Encore un petit clin d'œil par rapport à l'actualité. Vous imaginez, le mot Sébastopol, ça fait partie de l'âme de la Russie, notamment grâce à Tolstoï. Parce que il porte Tolstoï au pinacle, mais évidemment, désormais, ça fait partie de la civilisation russe. Alors, vous parlez, Vladimir Fedorovski, de géopolitique, vous parlez de l'Europe. Moi, j'aimerais qu'on parle un peu de Paris, justement, parce que vous avez fait le trajet de la Russie vers la France. Et Tolstoï, il l'a fait aussi. Enfin, il est venu quelques semaines ou quelques mois à Paris. Vous savez, moi, je suis très heureux. J'assume complètement à la fois mes racines russes et ma francophilie. Je suis en trait d'union naturelle. D'ailleurs, j'étais très touché que vous avez passé ces mots de Troya, parce que Troya m'a écrit une lettre avant de mourir, exquise. Et il m'a dit, tu dois prendre ma niche. Ça veut dire nous quoi? Sommes trait d'union entre la France et la Russie. Tolstoï, il vient, et ça c'est très intéressant, c'était très russe. Vous savez, en lui, il y a des choses beaucoup plus... il est très critique envers la civilisation occidentale, envers la société de la consommation, avec la peine de mort. Vous regardez comment elle est choquée. Parce qu'il va à Paris et qu'il voit, quand il voit la guillotine, et ça lui fait détester absolument les Français. Ça le bouleverse. Il dit, c'est ça la France ? Jamais de la vie. C'est comme les Russes d'aujourd'hui, ils débarquent à l'aéroport Charles de Gaulle et puis ils vont à RER A, ils disent c'est ça la France, jamais de la vie. Vous comprenez, c'est ça. Pas aussi beau que le métro de Moscou, hein, ça c'est non, sûr. Non, ça c'est les choses comme ça, vous comprenez. Je parle de la réaction très russe de Tolstoï face à quelque chose qui existe quand il voit la France, c'est-à-dire... Mais en Tolstoï, il y a des écrivains plus tardifs. Il y a la critique de la société de consommation. Cette année, on va fêter 100 ans de Solzhenitsyn. Il y a déjà du Solzhenitsyn en Tolstoï. Oui. Alors, il va à Paris. C'est l'année 1857. C'est l'année de l'apparition des Fleurs du Mal et de Madame Bovary. Mais on n'a pas l'impression qu'il ait eu connaissance de l'apparition de ces deux ouvrages. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu s'il avait un regard quand même sur les écrivains étrangers? Vous savez, Tolstoï, c'était évidemment, elle connaissait toutes les langues, elle connaissait la littérature étrangère, etc. Mais en créant l'âge d'or de la littérature russe, il pensait qu'il est déjà au sommet. Il faut comprendre qu'à ce moment-là, la littérature russe, il a fait une percée extraordinaire avec Dostoïevski, avec Tchekhov aussi, qui était son copain quand même, etc. Et là, il était très concentré. Tolstoï, en réalité, il était très concentré sur la civilisation russe. Il était très patriote, etc. Par exemple, dans mon cas, ou dans les cas de certains écrivains russes plus tardifs, nous sommes tout naturellement européens. Pourquoi ? Et d'ailleurs, c'est un grand problème maintenant pour nous tous, parce que la rupture qui se passe devant nos yeux, peut-être la rupture définitive entre les deux civilisations, ça contredit ce message. Mais l'européanité de la Russie était construite par le génie Tolstoï, parce que qui peut nier que Tolstoï, ça fait partie de l'âme, cette fois-ci, française, et oui, plus que les autres. Et on pourra en parler en seconde partie de cette émission, Vladimir Fedorovski, et raconter aussi le reste de la vie de Tolstoï. Mais tout de suite, c'est le moment d'un détour par la littérature russe, mais contemporaine cette fois, avec Maïalène Berasategui. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour Maïalène. Bonjour. Je rappelle que vous êtes journaliste, notamment au Nouveau Magazine Littéraire, et vous avez eu envie de nous parler aujourd'hui dans votre chronique d'un roman russe contemporain qui s'appelle La Maison Éternelle. C'est un livre de Youri Sleskine aux éditions de La Découverte. Qu'est-ce donc, Maïalène, que cette maison éternelle, qui est en fait éternelle, qui est en fait un immeuble? Alors, c'est un gros immeuble, c'est très une maison immense, qu'on appelle la maison du gouvernement, et qui est située donc à peu près en face du Kremlin, sur l'autre rive de la Moscova. Et c'est une maison qui a été construite à la fin des années 20 pour abriter en substance les élites du régime. Il y avait à peu près 500 appartements et 2700 locataires, ça vous donne une idée. Et cette maison a ce site particulier qu'elle permet de d'une certaine manière de raconter l'histoire de la Russie, puisque comme c'était des cadres pour la plupart, beaucoup de ces gens ont été victimes des purges en 37-38, beaucoup ont fait la Seconde Guerre mondiale. Quand vous dites beaucoup, c'est quand même 800 sur 2700 ou quelque chose comme ça. Donc c'est il y a 800 beaucoup. Arrestations et sur les 800 arrestations, il y a un peu plus de 300 exécutions. D'accord. Donc ça vous donne une idée, sachant qu'il y a aussi, je ne sais plus, 600 ou 800 enfants. Donc en fait, ça fait beaucoup, beaucoup. Ouais. Alors, qui étaient ces gens ? Donc, c'était des cadres, mais est-ce qu'on en sait un peu plus sur les habitants de cette maison ? Alors, il y a des intellectuels, il y a des ingénieurs, il y a aussi tout un système avec du personnel, il y a des petites bonnes dans cet immeuble, il y a beaucoup de gardiens. Et comme c'est un immeuble où il y a aussi un théâtre, un cinéma, une bibliothèque... Des cours de tennis. Un cours de tennis, une crèche, donc c'est vraiment... C'est censé être un immeuble entre qui est encore un peu bourgeois parce que ce ne sont pas des appartements communautaires. C'est censé être un immeuble de transition avec des élites qui se demandent parfois un peu si elles mettent pas un peu de temps à transiter. Oui. Alors, comment ce livre est-il rédigé ? Est-ce que c'est un livre d'historien ? Quelles sont les sources, Maïa-Hélène Berassategui ? Alors, c'est un pavé, c'est 1300 pages, hein, mais ça se lit très très bien parce que les sources, c'est beaucoup de correspondances, beaucoup de journaux intimes, aussi beaucoup de littérature russe. Et comme ce sont des gens qui sont extrêmement cultivés, quel que soit leur milieu d'origine, parce que c'est des gens qui lisent énormément de fiction du 19e siècle, c'est des gens qui ont lu Balzac, qui ont lu Dickens, qui ont lu Tolstoï aussi, bien évidemment, mais du coup, il y a beaucoup, beaucoup de sources et c'est surtout souvent très, très bien écrit. Voilà, et on voit aussi toute cette dichotomie, entre ces gens qui lisent à la fois pour la première génération Marx, Lénine, Engels, mais aussi énormément de fiction européenne. Donc, Youri Sleskin suit les habitants sur plusieurs générations, hein, jusqu'à la chute de l'URSS. Quel est leur regard, au fond, sur cette histoire-là ? Alors, pour les jeunes générations, en fait, ce que Youri Sleskin explique, on peut être d'accord avec lui ou pas, c'est que, d'une certaine manière, le bolchevisme, c'est un millénarisme. C'est-à-dire qu'on pense qu'il va y avoir un grand soir. Et un peu comme Tolstoï, hein, qui était millénariste aussi. Et du coup, cette nouvelle génération, elle vit en attendant le grand soir, et en même temps, elle constate qu'il n'a pas eu lieu, et en même temps, elle continue, comme les parents, à lire énormément, énormément de fiction. Il parle notamment beaucoup d'un auteur russe qui s'appelle Youri Trifonov, qui est le premier à avoir fait un peu de cette maison où il a grandi, un lieu de mémoire. Le bouquin s'appelle « La maison du quai », si vous voulez le lire, c'est très très bien. Et du coup, ça montre aussi tout le désenchantement de cette deuxième génération qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins confiance dans l'avènement du grand soir. Vladimir Fedorovski, j'imagine que vous le connaissez, bâtiment. Je connais très bien la maison. Vous êtes entré à l'intérieur ? Évidemment, beaucoup de fois. On vous a jamais proposé un appartement, non ? Trifonov, peut-être pas, mais Trifonov, c'était ton ami. Et pour comprendre ça, c'est une maison symbolique de transformation de la mentalité russe, de désarroi russe à sa façon. Vous savez, il faut comprendre, pour comprendre ce livre, il faut tenir en tête trois chiffres. Tout d'abord, vous savez, le résultat des actions de Lénine, de Trotsky, de Staline, disait mon ami Alexandre Yakovlev, inventeur de la perestroïka, c'est 2500 c'est 25 millions, pardon, excusez-moi, 25 millions de gens tués. Énorme. Les nazis, la maison, la lutte contre les nazis, s'il n'y avait pas de Stalingrad, Hitler aurait été là, 27 millions de gens. Et puis le post-communisme, désarroi des gens face à post-communisme, juste en chiffres, 25, vous savez, 2500% d'inflation. Pendant la période, la première, vous ne pouvez pas même imaginer. Il c'était un vol extraordinaire, Eltsine. Je me souviens, je me balade devant. J'étais porte-parole des anti-putschistes avec pour le changement, évidemment, fin du communisme. Et après quelques années après 93, je me sors. Il y a une sorte de tour de la télévision. Il y a des milliers de gens se baladent. Les mitraillettes sortent. Et Eltsine fait tirer sur 1500 personnes tuées. Mais comment tout ça, c'est ces gens-là, tout, quand on assume toutes ces données, c'est les choses qui sont imaginables. Et c'est un très beau livre. Un très beau livre. Je vous remercie beaucoup. Et puis, on peut rappeler un livre extraordinaire, La maison des quais, de mon ami Youri Trifonov. C'est extraordinaire. C'est la grande littérature. Merci de penser. Youri Sleskin aux éditions de La Découverte. Merci beaucoup, Maïa-Hélène. À très bientôt. c'est la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture et nous déroulons un peu par à-coup, il faut bien le dire, la biographie de Léon Tolstoï avec Vladimir Fedorovski qui a rédigé une biographie du grand écrivain russe. Et alors que la Russie est le pays invité du salon Livre Paris où nous enregistrons cette émission. Alors nous avons laissé Tolstoï jeune marié ou à peu près, c'est à présent le moment de découvrir sa vie de couple avec sa femme Sophie. Vie de couple qui n'est pas des plus reposantes à travers, on va l'entendre, un extrait de son journal à elle qui témoigne d'un mariage émoussé. On est en 1880, 18 ans après leur union et la lecture et de Nathalie Nerval. Lorsqu'il est souffrant, il prend mes soins comme un dû, mais avec rudesse et détachement, et uniquement dans la mesure où il a besoin de cataplasmes et autres. J'ai essayé de toutes mes forces, j'ai tant désiré établir entre nous, fût-ce un peu, une communion profonde, spirituelle. Je lisais ses journaux en cachette et j'avais envie de découvrir comment je pouvais lui apporter et recevoir de lui quelque chose qui fût susceptible de nous unir à nouveau. Mais ses journaux faisaient entrer en moi plus de désespérance encore. Il a dû remarquer que je les lisais, maintenant il les cache. Mais il ne m'en a rien dit. Autrefois, je recopiais ce qu'il écrivait, et cela me donnait de la joie. À présent, il remet tout à ses filles, et me le cache soigneusement. Il me tue systématiquement, et m'évince de sa vie. C'est intolérablement douloureux. Il arrive qu'au milieu de ces indifférents, je sois saisie d'un désespoir sauvage. J'ai envie de me suicider, de m'enfuir, je ne sais où, de tomber amoureuse, n'importe quoi, plutôt que de vivre avec un homme que j'ai aimé toute ma vie sans tenir compte de rien pour découvrir. Maintenant seulement, combien je l'ai idéalisé. Comme j'ai été longue à comprendre qu'il n'y avait en lui rien d'autre que la sensualité. À présent, mes yeux se sont ouverts et je constate que ma vie est brisée. Avec quelle envie je regarde ces Nagornes sans intérêt? Parce qu'ils sont unis. Parce qu'il existe bien quelque chose en dehors du lien physique qui lie des époux entre eux. Alors on vient de l'entendre, Vladimir Fedorovski, entre Sophie et Léon, il y a un roman qui aurait pu s'intituler aussi « Guerre et paix », la guerre et la paix chez les Tolstoï. La guerre et la paix, ces moments sublimes de l'union sensuelle dont elle parle, elle ne peut pas oublier ça, elle ne peut pas se séparer, mais en même temps, c'est une femme exténuée par les enfants, elle donne beaucoup pour la famille, etc. C'est une égérie, c'est un couple fusionnel. Et sans elle, il n'y avait pas ni guerre et paix, ni Anna Karenine. Mais quand il Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas ni guerre et paix, ni Anna Karenine? Parce qu'elle est partout là-bas. Tout d'abord, elle est. Tolstoï, alors elle recopie nous, aussi, elle l'aide. Tolstoï, s'il n'y avait pas d'elle, il y a la technique, vous comprenez? Il était indéchiffrable pour personne d'autre que qu'elle. Mais au-delà de ça, à chaque page, vous voyez cette femme extraordinaire et vous voyez. Cette fusion sensuelle exceptionnelle qu'il décrit, au fait, mais quand il se prend pour Jésus-Christ, il y avait quelque chose, ils essayent de fuir cette sensualité débordante. Mm-hmm. Elle est frustrée. Quand il essaye de nier, ça c'est son côté inexplicable que pour moi, quand il a produit les chefs-d'œuvre absolus, il voulait maintenant inventer une religion en suivant ce côté illuminé qui est propre à la civilisation russe. Et là, il a dit, et puis banalement, vous comprenez, il y avait plein d'enfants, il lui produit, chaque fois il vient, il lui fait un enfant, chaque fois un enfant. La dame était non seulement exténuée, mais elle pensait à ses enfants. Et Tolstoï, il dit, non. La propriété, la propriété privée, c'est très mauvais, rien pour l'enfant. Alors, elle est affolée, comment elle va vivre? Il s'est produit, vous comprenez, il y a un tas d'incompréhensions. C'est un peu une maison de fous quand même. Une maison de fous, mais tellement russe, c'est presque comme votre maison. Ah bah, c'est comme la maison du gouvernement. Bon, enfin, il y a moins de morts, quoique, c'est pas sûr, parce que la sonate à Kreutzer, qui est quand même une transposition de leur histoire à eux deux, de leur histoire de couple, ça. Ah, vous dites non avec la main. On peut exagérer. Réécrit, parce que je vais vous dire, où il y a une négation, la vérité se trouve dans son journal. Vous lisez son journal, vous voyez jusqu'à quel point c'était un couple fusionnel et extraordinaire, sensuellement parlant. Parce qu'encore une fois, là, il entre en détail. Et après, il fait il réécrit. Vous avez remarqué, les gens essayent de réécrire leur histoire à leur façon. Mais la vérité nous passe à travers leurs œuvres, à travers ses œuvres. Et ça, c'est notre grand réconfort. Il fuit et en même temps, il reste jusqu'au bout d'elle. Il y a plusieurs phrases qu'il a dit. Vous savez, le sens, je ne vais pas citer ça par les choses. Quoi qu'on raconte, tu restes ma seule femme. Moi, je voudrais revenir quand la même. Seule, la même chose, Pasternak, à propos, Kretzer. Parce qu'il y avait les tohu-bohu dans la vie, Pasternak, etc. Et puis, à propos de sa femme, on a raconté, sali sa femme. Et elle a dit, quoi qu'on raconte, c'est toi. Alors, il faut les écouter, quand même. Mais quand même, ce livre, j'y reviens, hein, pardonnez-moi, Vladimir Fedorovski, la sonate à Kreutzer, c'est quand même l'histoire d'un couple qui ne s'aime plus. La femme tombe amoureuse d'un autre homme et le mari la tue, alors qu'il ne s'aime plus, parce que elle est tombée amoureuse d'un autre. Et alors, excusez-moi, c'est une transposition de la jalousie de Tolstoï. Parce que quand il a eu tellement exténué qu'il y avait, elle a fait pas une, même pas une, une tendre amitié. Il se promenait avec un musicien. Mais Tolstoï, qui est une bête de la nature par excellence, il a dit quoi? C'est ça, il commence à décrire ça. Vous savez, ça vient d'une histoire absolument réelle. D'ailleurs, je l'ai reconstituée dans le livre. Transposé, le livre reflète cette jalousie de Tolstoï qui était, je vous dis, un chaman. Il savait se transformer en tueur s'il le faut. Alors, vous dites que c'est un chaman. Et justement, j'aimerais qu'on se pose la question de savoir... Et peut-être que ce n'est pas la même chose pour les Russes et pour les Français. Et peut-être que ce n'est pas la même chose au 19e et aujourd'hui au 21e siècle. Absolument aucun. Est-ce que, pour vous, c'est d'abord un prophète, Tolstoï, ou est-ce que c'est d'abord un écrivain, un artiste? Parce qu'il y a des moments où on ne sait plus tellement. Et notamment dans Guerre et Paix, au troisième volume de Guerre et Paix, bon, il est un peu philosophe. Il y a des moments où on a le sentiment qu'il cherche à faire un roman qui est presque un roman à thèse. Vous savez, les Russes sont allergiques aux prophètes. Alors, et vous me posez la question, la réponse est déjà dans mon destin. Cela va sans dire que Tolstoï, c'est un artiste extraordinaire, c'est un génie de la littérature absolue qui fait partie de votre civilisation comme dans la nôtre. Dans cette prétention d'être Jésus-Christ, je vous dis objectivement, nous avons quand même commis un suicide au XXe siècle avec la révolution russe. S'il n'y avait pas de révolution russe, il n'y avait pas ni ces problèmes-là d'aujourd'hui et la Russie aurait été en centre de l'Europe, vous comprenez? Et Tolstoï, objectivement... Donc tout ça, c'est la faute de Tolstoï, en fait. En quelque sorte. Jusqu'à Poutine, finalement, c'est sorte, Tolstoï. En oui. quelque sorte, bien sûr. Parce pas que s'il n'avait pas mais, harangué les foules non, avec ses romans, il n'y aurait pas eu la révolution russe. Là où je suis formel, l'intelligence russe, vous savez, elle porte une énorme responsabilité dans beaucoup de choses. J'aurais pu vous faire tout un speech autour de ça, y compris dans cette affaire de Helsinki. Et tout le reste, parce que je faisais partie de ça. Mais simplement, vous devez comprendre, il n'y avait pas de Tolstoï, l'ambiance médiatique de la Révolution n'existait pas. Tolstoï, vous connaissez son pamphlet, qui est un chef-d'œuvre, Tchingis Khan avec le Télégraphe, qui était publié à Paris, quand il a dit que le régime de tsariste, c'est un régime inutile et criminel. Et cette phrase marque toute une génération. Vous comprenez, on prépare. Ce n'est pas seulement la nullité de l'élite, la nullité du tsar, qui n'était pas évidemment à la hauteur, c'est une erreur de casting, etc. Mais il n'y a pas de Tolstoï, il n'y a pas de ça. Et troisième élément, il ne faut pas nier qu'il y avait un génie de deux personnages, génie stratégique de Lénine et génie organisationnel et oratoire de Trotsky, quand même, il ne faut pas nier. C'est trois facteurs, c'est tout. Autrement, pas de désastre. On approche de la fin de cette émission. Déjà, oui, Vladimir Fedorovski, ça passe très vite, surtout ici, Livre Paris, avec tous les gens qui sont venus pour vous voir. Il faut quand même expliquer que à la fin de la vie de Tolstoï, c'est peut-être le prophète qui l'emporte, dans le sens où il va essayer, sans y parvenir, d'aller vivre dans un monastère. Racontez-nous cette histoire. Non, mais il part, il a voulu... Tout d'abord, c'est le message de Tolstoï, la nouvelle religion, tout ça, mais c'est une négation de la propriété privée totale. Et il disait, comme des grands prophètes, il voulait partir comme les grands pèlerins russes dans ces espaces et finir dans la pauvreté absolue, dans un monastère comme pèlerin. Et finalement, il a réalisé son rêve, mais simplement, c'est sa femme qui était quand même à côté, ce côté, disons, égérie et artistique de Tolstoï. Elle l'a rattrapé dans une petite station de train, comme dans Anna Karenine. Dans Anna Karenine, le train, c'est une prémonition de Tolstoï. Toute la Russie est dans le train. Dans Anna Karenine, c'est Lénine qui vient dans le train donné par les services secrets. Et finalement, les trains de Goulag, si bien écrit dans ce livre sur la maison de quai, tout ça, c'est prémonitoire. Toute la Russie de Tolstoï, mais s'il vous plaît, ne se séparez pas de Tolstoï, parce que la rupture définitive entre la Russie et la France, notamment entre la Russie et l'Europe, c'est quelque chose de très, très grave. Vous dites ça parce qu'Emmanuel Macron n'est pas allé sur le stand de la Russie au salon Livre Paris. Non, pas du tout. Peut-être que ça peut s'arranger. Je n'imagine pas du tout Macron boycotter Tolstoï. Je ne peux pas imaginer. Il est très Tolstoïen. Je ne peux pas imaginer. Évidemment. Alors, vous comprenez, et la preuve que nous faisons cette émission pour prouver cette affinité, mais détromper le moment est grave et nos civilisations sont liées. Et le symbole de ça, c'est le grand Tolstoï devant l'Éternel. Ouais, nous, on continue à lire Tolstoï, il n'y a pas de problème. J'aimerais qu'on termine quand même un mot sur cette très belle nouvelle qui est la mort d'Ivan Illich. Est-ce que c'est Tolstoï? Évidemment. Ivan Illich. Évidemment. Vous savez, je suis très touché que vous avez... on n'a pas évoqué ça parce qu'on n'évoque pas assez. Pour les Russes, les nouvelles, c'est un grand art. Les Russes adorent Maupassant, pour ça, il ne faut pas nier. Il y en a la mort d'Ivan Illich, il y a un autre que je vous recommande avec beaucoup, beaucoup d'insistance, c'est Klostomer, l'histoire d'un cheval. Là, vous voyez tout l'art de Tolstoï quand il se transforme dans un cheval et il raconte la vie dans la vue du cheval. C'est inimaginable. Quel chef-d'œuvre de littérature, quel artiste qui prime sur le prophète. Mais c'est tout de même affreux quand on lit cette terrible nouvelle, la mort d'Ivan Illich, et qu'on se dit, c'est peut-être Tolstoï qui parle de lui, parce qu'au fond, c'est un homme qui se rend compte qu'il a raté sa vie. Bien sûr, mais vous savez, je vais vous dire, en Tolstoï, il y a cette honnêteté intellectuelle, c'est vrai, vous avez raison, parce que tout le temps, Tolstoï se remet en cause. Quand il accomplit quelque chose d'inimaginable, il veut faire plus, il se remet en cause. Et chaque fois, c'est plus. Et ça, c'est ce côté recommencement sans fin qui est la vie et Tolstoï. Qu'est-ce que c'est autre que notre vie à tous? Bien, merci beaucoup Vladimir Fedorovski pour ce retour sur la vie de Léon Tolstoï. Pour plus de détails, je renvoie à votre ouvrage, le roman de Tolstoï, paru en 2010 aux éditions du Rocher. Puis je signale également que vous avez publié en février chez Stock le livre Au cœur du Kremlin, les Tsars rouges. Il faut le lire, celui-là aussi. Explosif. C'est solide comme rien n'est inventé. Vous voulez comprendre la situation maintenant? Au cœur du Kremlin, s'il vous plaît. Voilà, c'est un feu d'artifice. Tout de suite, on retrouve les lectures de poésie que nous propose Jacques Bonafé. Demain, on continuera de parler de Tolstoï. Bonjour, bonjour la compagnie. Alors que la 20e édition du Printemps des Poètes achève ce jour sa période officielle, mais le printemps continue, par une soirée de gala au théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris, nous emmenons l'ardeur vers des replis plus secrets, plus feutrés, mais non moins brûlants, en lisant une anthologie de la poésie syrienne contemporaine parue aux éditions du Castor Astral et réalisée par Saleh Diab. Ce sont les poètes syriens que nous invitons à cette table. Une fois de plus, venez mon misérable pour exprimer plus misérable encore, pour exprimer le tombé, le dévasté, le méconnaissable, le trois fois plus redoutable qui dans l'ombre se prépare. On se souvient des mots d'Henri Michou. La porte de l'étable, poème de Nazi Abou Afash. Prenez la terre et ce qu'il y a dessus et laissez-nous le nuage. Prenez les cieux et ce qu'il y a dessous, et laissez-nous le babil de l'oiseau. Prenez le fruit et la branche, la rumeur verte dans la feuille de la vie, et laissez-nous l'ombre de l'arbre. Prenez la maison, le jardin, la clôture, les chandeliers de l'autel et la longe de l'anon, le rire du ruisseau et la chambre à coucher de la chèvre. Prenez toutes choses, toutes choses, et laissez-nous la porte de l'étable, afin que nous y collions la vie de décès de nos morts. Au début de cette anthologie, le premier poète est Kheirat Din Al-Saadi et nous écoutons la sourate de la distillation. Mon bien-aimé, au visage brun, à la bouche souriante, aux yeux ivres, au front étoffé et à l'allure gracieuse, mon bien-aimé, au désir fougueux et l'œillet des joies, l'apogée de la jeunesse, livre à longueur de temps. Ses cheveux sont doux autour de ses lèvres humides comme une colonie de fourmis aux abords d'une source. Le temps a essayé de représenter la beauté et il a créé des fleurs variées dans le vaste paradis, puis intimidé devant lui et les a vite cachées dans les bourgeons. Les langues des bougies ont rivalisé avec les lumières de la pureté dans la bouche du bien-aimé. Alors sa peine fut la brûlure. Les lumières de la pureté, ô vue de l'œil, en elles je hume la quintessence de la vie. Sourate de la distillation. Puis il y a la sourate des guérisons, la sourate des paisibles. Et quelques pages plus loin, sans lettre d'amour, mais ce n'est qu'un extrait. Quand je t'ai dit « je t'aime », je savais que je menais un coup d'état contre les coutumes de la tribu, que je sonnais les cloches du scandale. Je voulais prendre le pouvoir pour rendre les forêts du monde plus feuillues, les mers du monde plus bleues, les enfants du monde plus innocents. Je voulais mettre fin à l'ère de la barbarie et tuer le dernier calife. J'avais l'intention, quand je t'ai aimé, de briser les portes du harem, de sauver les seins des femmes des dents des hommes, de faire danser gaiement leurs mamelons dans l'air, comme les pommettes de la zérolier. Quand je t'ai dit « je t'aime », je savais que j'inventais un nouvel alphabet pour une ville qui ne lit pas. Merci Jacques Bonafé, vous consacrez votre semaine de poésie à de la poésie syrienne contemporaine à l'occasion de la parution d'un recueil publié par Saleh Diab, c'est aux éditions du Castor Astral.